Chapitre 4e, le naufragé. 18 avril 1917. Quelle est cette épave qui flotte de temps à autre sur cette mer d'orage où les vagues sont des trous d'obus? Quel est cet animal, traqué de tous côtés, qui se réfugie dans les abris pour échapper à une mort pressante? Quel est cet être humain, à peine connaissable, sous sa cuirasse de boue? Oh, le poignant spectacle que cette chasse à l'homme! Cet homme quitte les tranchées. Il rejoint son bataillon relevé depuis 3 heures. L'ennemi a déclenché sur tout le terrain de passage un tir de barrage formidable. Il n'y a pas une tranchée, pas un boyau pour permettre d'abriter ceux qui partent. Une seule ressource est offerte aux malheureux voyageurs. Ce sont les entonnoirs creusés par les obus. Ils profitent d'une accalmie passagère dans le feu roulant des canons ennemis pour bondir de l'un dans l'autre par-dessus le terre-plein. Mais ses forces le trahissent. Il n'a presque pas mangé depuis 2 jours. Et il a passé une nuit et plus d'un jour sans boire, sans obtenir une goutte d'eau. Son visage est bistré comme celui d'un mulâtre. Ses traits émaciés, ses joues creusées, ses yeux égarés, exorbités, et son front, barré de rides, trahissent une forte tension de toutes les énergies et une angoisse infinie. Son vêtement de la ceinture aux pieds est recouvert d'une épaisseur de boue grisâtre qui fait aux jambes de grossières bottes et alourdit singulièrement les pans de sa capote. L'infortuné n'a point dormi depuis 2 jours, mais il n'a cessé de dépenser son activité. Son état de dépression physique est extrême. Il arrive en rassemblant ses forces à marcher un peu vite pendant 10 mètres, puis il tombe épuisé les genoux dans la boue. Il achève sa progression jusqu'au trou d'obus voisin en rampant sur ses membres, comme un amputé sur ses moignons. Arrivé sur le bord de l'entonnoir, il glisse et roule sur la pente jusque dans le fond boueux, où il va prendre 1 minute de repos pour essayer d'avancer encore. La vie qui reste à ce corps usé, qui se traîne lamentablement sur ce calvaire, est bien faible en vérité, et bien précaire. Il donne toute son énergie, et les stimulants les plus violents ne le feraient pas marcher plus vite. Ses os sont brisés, ses muqueuses desséchées, sa tête vide. Le moindre mouvement essouffle son haleine et précipite les battements de son cœur. Il traîne avec peine ses vêtements tapissés de vase comme s'il remarquait des boulets. Il glisse et trébuche à chaque pas. Ses tempes battent avec violence. Des sueurs froides le mouillent dans les instants de défaillance et une fièvre horriblement sèche et tenace le brûle par le dedans. En vain jette-t-il dans le fond de sa gorge enflammée les 3 gouttes d'alcoolat de mélisse restées au fond d'une fiole. En vain, d'une main paresseuse, arrache-t-il encore pour la 100e fois de larges plaques de boue sur sa capote. En vain, par d'héroïques efforts de volonté, se cramponne-t-il à la vie comme un naufragé à la bouée de sauvetage. La mort atroce l'assiège, l'envahit et le glace. Elle frappe de tous côtés et remplit ses oreilles. Ce sont de grosses marmites qui s'enfoncent profondément dans les entrailles du sol et s'y brisent avec un horrible bruit souterrain, projetant dans les airs un volcan de fer et de terre mêlée. Ce sont les obus fusants qui répandent sur les têtes une pluie de balles. Ce sont des obus de 77 mm et de 80 qui percutent le sol avec un bruit d'airain et lancent dans l'espace ces noirs frelons qui viennent bruire à vos oreilles comme des sinistres mouches. Dangereux insectes qu'il ne faut point toucher. Ils passent vite, vite, près de vous et continuent leur chemin au loin tout droit devant eux jusqu'au moment où ils tombent et restent morts pour toujours. Insectes aveugles qui vont frapper à l'étourdie n'importe où et n'importe quoi. Insectes fous qui volent toute leur existence avec une vitesse fiévreuse, sans régularité et sans but, comme des gens ivres, insectes méchants qui cueillent au passage la vie des hommes comme l'on cueille une fleur, insectes cruels et sanguinaires qui percent les têtes, brisent les bras et les jambes et déchirent les chairs. Comme ils sont nombreux ce soir, les vilains animaux. Boum ! Un grand éclat qui fait sonner la terre comme un tambour. Aussitôt, leur troupe effarouchée s'envole dans tous les sens. Boum ! Encore un obus et les sinistres frelons de prendre leur essor de toutes les parts. Boum ! Encore un éclatement, et toujours ainsi, toujours, sans relâche, ses coups qui frappent, à droite, à gauche, devant lui, derrière, par-dessus, et martèlent sa tête, et le couvrent de boue et de débris de fer, et le rendent fou. Il se défend depuis longtemps contre ses assauts. À la longue, cette défense est devenue une habitude, un réflexe. Il entend ronfler l'obus qui vient près de lui. Aussitôt, il a vite fait de se baisser contre un talus. La marmite éclate de l'autre côté, Il est arrosé de terre, mais les mauvais frelons passent au-dessus sans le toucher. Il entend dans les airs leurs vols sourds et multiples, mais il ne les craint pas, car il connaît que leur route est plus lointaine, et d'autres obus viennent encore qui pilonnent le glacis de tous côtés, avec une fréquence toujours égale, avec une constance désespérante. Il a pensé que toutes ces forces de destruction sont accumulées contre lui, et qu'elles approchent sans cesse comme une mer houleuse et menacent à tout instant de tout submerger, de tout broyer sous leur énorme puissance. Cette pensée est affolante et chasse les quelques lueurs d'espoir qui restent dans ce corps misérable. Néanmoins, le dernier instinct de conservation, seule pensée vivace de cette loque humaine, met encore en mouvement son ressort affaibli, et il cherche à traîner plus loin son existence. Il réussit à passer à travers cet ouragan de fer, et les balles des mitrailleuses qui font rage à ses oreilles ne l'atteignent point. L'instinct et la ruse de l'animal traqué et forcé viennent à bout des terribles chasseurs et de la formidable battue. Il arrive dans un entonnoir où plusieurs cadavres sont entassés pêle-mêle. Dans un coin, un petit abri fait de quatre planches donne asile à deux soldats français qui causent à voix basse. Instinctivement, il se dirige vers eux. Alors il voit le plus proche faire de la main le signe de la croix sur la tête de son camarade. Il entend le nom de Dieu prononcé d'une voix forte. Alors il comprend que ces deux hommes accomplissent les rites de la confession et que l'un d'eux est un prêtre. Le pénitent a le maintien recueilli et l'attitude humble qui convient. Le prêtre parle presque à haute voix. Il prononce fort les mots de repentir et de foi. Dans le bruit de tempête qui sévit autour d'eux, sa voix s'élève parfois comme s'il était en colère et détache nettement les paroles comme pour les faire entrer plus aisément dans l'âme du soldat repentant. Et dans le fond de cet abri, j'aperçois un Sénégalais pelotonné sur lui-même, témoin muet de cette scène. Il regarde sans voir, il écoute sans comprendre les mystères de cette religion qui lui est étrangère, les grâces de ce Dieu qui est si loin de lui et si différent des siens. Mais d'instinct, sans doute, il se rend compte qu'il s'agit d'un acte religieux, par cette tendance qu'ils ont tous de rapporter au surnaturel ce qu'ils ne comprennent pas. Et lui aussi, sans doute, songe que c'est Dieu le protège, et que les gris-gris de cuir qui pendent à son cou, dans lesquels un marabout glissa contre une pièce blanche, trois versets du Coran sur un bout de papier, vont aussi le garder contre la mort. Il adresse sans doute une prière au Dieu gardien de son foyer, et reprenant confiance, se tasse encore davantage dans le fond de son trou. Les deux civilisations, les deux coutumes mises ici en présence et en contact, sont en vérité bien éloignées l'une de l'autre. Les mœurs et les pensées de ces hommes sont aussi différentes que la couleur de leur peau, mais leur cœur est semblable. La latitude ne change pas les instincts profonds des êtres. Plus loin, il rencontre un homme tout nu, enlisé dans la vase d'un ancien boyau, le malheureux.